brille pour nous. À chaque pas, à chaque souffle, la vie se touche du bout des doigts. Je veux te dire, sans mot dire, viens, prends-moi, belle en cœur, ma peau brûle pour toi. En cet instant cesse le silence, l'envie se lâche au bout de moi. Je veux te dire, sans mot dire, de ne plus être libre. À chaque pas, nos deux silhouettes s'en vont lentement à la dérive. Je veux te dire, sans mot dire, vient le temps d'une éclipse, loin de ce monde en solo, prendre le vent et même la mer. À chaque vague, moi je divague. Je veux te dire, sans mot dire, viens, suis-moi sous la lune. Les étoiles brillent pour nous, à chaque pas, chaque souffle, la vie se touche du bout des doigts. Je veux te dire, sans mot dire, viens, prends-moi, belle en cœur, ma peau brûle pour toi. En cet instant cesse le silence, l'envie se lâche au bout de moi. Je veux te dire, sans mot dire, viens, laisse-toi ce bonheur de ne plus être libre. À chaque pas, nos deux silhouettes s'en vont lentement à la dérive. Je veux te dire, sans mot dire, vient le temps d'une éclipse, loin de ce monde en solo, prenons le vent et même la mer. À chaque vague, moi je divague. Je veux te dire, sans mot dire.